creux dans la peau d'un prédateur. Montrer les croix à tous ces vautours. T'hésites encore ou quoi? Jette un coup d'œil aux alentours. Dans ce monde fou, fais tout pour sauver ta peau. Arborant la couleur de ton clan, ton camp, ton drapeau, ton mode de vie. Entre vice et vertu, les plus petits sont pervertis. Symbole d'une génération perdue. Le mal perdure, la paix s'est fait la malle. Et depuis, l'espoir porte un gilet pare-balles. Fuck tes putes, tes paillettes et tes strass. Ici ça pue le stress, certains ont pris la tête en otage, frérot. Comme a dit Pharo, la rue s'est transformée en un terrain de chasse. Ma narration est sombre, je cherche pas d'explication. Plutôt la source de notre aspiration. L'extrême violence de notre époque m'interpelle, frère. Retour à l'âge de chair. L'escalade militaire, puis l'école élémentaire. Les guerriers sédentaires sortent l'électricité dans l'air. C'est la cata, frère, car tous les gars sont sur le pied de guerre. Retour à l'âge de chair. L'escalade militaire, puis l'école élémentaire. Les guerriers sédentaires sortent l'électricité dans l'air. C'est la cata, frère, car tous les gars sont sur le pied de guerre. Retour à l'âge de guerre. L'homme n'a jamais tiré la hache de guerre. Désespérément bloqué à l'âge de pierre. C'est un barbare, demeure au change de peur. Fini d'être effrayé par l'orage, les coups de ton air. Mais reste le prédateur, capable de carnage. On se bute, on se fout en l'air. La préhistoire à Carthage, Carthage la Tchétchénie. Tenir les comptes, un noir sur quatre pages. Tellement depuis l'homme, la haine sévit. La colère dans les gènes, chromosome guerrier. Jusque dans l'ADN, j'suis prêt à le parier. Le meilleur et le pire, capable des deux et coupable du second. On a beau le chanter, l'écrire, à quoi bon? Chaque nouveau jour, on tend des barres de feu. Résout pas l'équation, hécatombe. Homme qui tombe, monde qui gronde. Fusil qui plombe, une colombe. C'est sur un jour, un fou lâchera la bombe. L'exécutant militaire, puis l'école élémentaire. Les guerriers sédentaires sentent l'électricité dans l'air. C'est la guerre à frère, car tous les gars sont sous le pied de guerre. Retour à l'âge de chair. L'exécutant militaire, puis l'école élémentaire. Les guerriers sédentaires sentent l'électricité dans l'air. C'est la guerre à frère, car tous les gars sont sous le pied de guerre. Retour à l'âge de pierre. J'ai mon bloc comme pierre, là je me fais flipper. Depuis plus d'un siècle, les dés sont pipés. On rôde avec le mal, une canette à la main. Les yeux défoncés, de quoi sera fait demain? Ma vie un putain de film, j'en ai le rôle principal. Y'a des émeutes, ça brûle, embrouillé général. Ta banlieue est la mienne, et tu te dis que t'as peur. Ta France n'est pas la mienne, moi c'est black, blanc, beurre. Retour à l'âge de pierre, et retour en charter. Les raflash à ton dos, me demande pas de me taire. On se fait niquer alors, au final c'est la même. On prône le système D et personne sort indemne. 21ème siècle, colonise pour le pétrole. Le Pen au deuxième tour, mais rappelle-toi de Vitrolles. Tu dis mondialisation, regarde l'Afrique connard. Et tes élus se rassemblent autour d'un verre de pinard. Chant l'exécutant militaire, puis l'école élémentaire. Les guerriers sédentaires sentent l'électricité dans l'air. C'est la cata, frère, car tous les gars sont sur le pied de guerre. Retour à l'âge de chair. L'exécutant militaire, puis l'école élémentaire. Les guerriers sédentaires sentent l'électricité dans l'air. C'est la cata, frère, car tous les gars sont sur le pied de guerre. Retour à l'âge de pierre. Les revendications, recueillement, quand les associations jettent à la Seine des bouquets de fleurs là où Brahim Bouaram a été tué il y a 7 ans. Et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. J'ai dit que j'étais socialement de gauche, économiquement de droite et nationalement de France. Front National, bonjour. Bonjour, ben je tenais à vous féliciter pour les résultats des élections. Parti Socialiste, bonjour. Je suis vraiment sous choc, là. Je vous promets, j'ai voté Lionel Jospin. J'avais envie de les ignorer, mais c'est difficile de les ignorer aujourd'hui. J'ai pas envie vraiment que même vis-à-vis de l'extérieur de la France, qu'on pense que la jeunesse française, c'est Le Pen, quoi. Autant béni des colonies. S'il faut faire des camps d'internement, on fera des camps de transit, si vous voulez bien. D'accord. Dans lesquels ils attendront relativement confortablement de rentrer chez eux. Tout le monde a des problèmes en ce moment, que la société est en crise, je crois. Mais la réponse n'est certainement pas dans le Front National. Je trouve dommage que des gens n'arrivent à penser que Le Pen soit la solution. C'est une putain qu'aime que la braise, et moi je l'appelle la Marseillaise. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Voilà.